Bienvenue à notre deuxième émission sur Nouvelle Terre. C'est ma plus grande joie de nous unir tous à travers le monde et de partager cette opportunité de s'éveiller ensemble. En plus d'une multitude d'Américains, nous avons des étudiants qui se sont enregistrés pour ce cours de pays comme Afghanistan, l'Argentine, la Belgique, le Brésil, la Croatie, le Danemark, l'Égypte, l'Irlande, l'Afrique du Sud et même quelques-uns de Zanzibar, j'ai entendu. Merci. Depuis la semaine dernière, 1 860 000 personnes ont regardé ou téléchargé notre premier cours. Je veux que vous sachiez que c'est toujours disponible. Si cette tentative novatrice sur le web devait être interrompue pour des raisons techniques, vous pouvez aller sur opera.com ou sur iTunes demain pour voir ou revoir ce cours. Bien, pour les 9 prochaines semaines, l'auteur et maître spirituel Eckhart Tolle et moi-même, nous nous sommes engagés à animer cette classe virtuelle sur opera.com le lundi à 20h, heure d'ici, pour discuter de chaque chapitre et en parler avec vous. Et vous pouvez taper vos questions sur le côté droit de votre écran et nous les envoyer instantanément. Et nous parlerons également avec certains d'entre vous via le logiciel gratuit Skype, qui nous permet d'avoir des appels téléphoniques et vidéos sur Internet et de partout dans le monde. Bienvenue encore, Eckhart Tolle. Merci, merci. Bien. La semaine dernière, vous nous avez montré des outils que nous pouvons utiliser pour revenir au moment présent. Et vous disiez, dès le premier chapitre, et vous continuez à travers tout le livre, à dire qu'il n'y a que le moment présent. Et vous disiez que si nous nous autorisons à sortir de notre esprit pensant, juste en portant notre attention sur notre souffle, nous pouvons ainsi aller vers la présence. Et c'est comme cela que vous apprenez ce qu'est la présence. Et je suggère que nous commençons dès maintenant, c'est-à-dire que nous amenons notre attention hors de là où elle réside habituellement, c'est-à-dire dans la tête et dans l'esprit pensant, pour la diriger vers notre souffle. Et la simple question que nous pourrions demander, c'est-à-dire, demandez-vous, est-ce que je respire encore ? Vérifions si nous respirons toujours. Maintenant, comment savoir si vous êtes toujours en train de respirer ? Vous devez amener votre attention hors de l'esprit pensant. Et sentez votre respiration maintenant. Et alors que vous portez votre attention hors de l'esprit pensant, qui ne travaille qu'avec le passé et le futur, et s'efforce à toujours générer des pensées reliées au passé et au futur, vous entrez dans le moment présent. Quand vous éloignez votre attention de la pensée et que vous la dirigez vers votre respiration, vous êtes toujours en train de respirer, mais vous n'en êtes généralement pas conscient. Maintenant, nous y amenons la conscience, ce qui signifie que nous éloignons l'attention du processus de pensée. Nous ne perdons pas conscience, nous sommes très conscients, mais nous pensons beaucoup moins, et peut-être plus du tout. Donc, faisons ça maintenant. Cela n'a jamais été fait à la télévision, c'est la première fois, mais nous pouvons le faire maintenant. Oui, oui, le silence n'est en général pas bon à la télévision. Mais essayons. Pendant 10 secondes, soyez juste conscient de vous-même respirant. C'est vrai, je suis toujours vivante. Oui, je viens juste de vérifier, oui. Peut-être même plus vivante que quand vous étiez engagée dans le processus de pensée. On se sent plus profondément vivant à cet endroit que vous commencez juste de toucher quand vous entrez en contact avec ce processus intérieur. Oui, je pense que c'est plutôt cool que tout autour du monde et dans tous ces différents pays que je viens de mentionner, que nous retrouvions ensemble dans le silence, pour un moment, juste histoire de faire un break, de faire un break à notre esprit. Bien, c'est le chapitre le plus excitant jusqu'au prochain. Je pense que le chapitre 2 est le plus excitant. Comme nous disions la semaine dernière, le chapitre 1 est plus conceptuel, vous êtes d'accord, oui. C'est vous qui l'avez écrit, oui. Assez conceptuel, mais le chapitre 2, titré « État actuel de l'humanité égo », dans lequel nous entrons, est une façon de nous comprendre pour nous. Et donc, beaucoup n'étaient peut-être pas conscients avant de commencer à lire cela. Donc, je voudrais juste aller directement dans ce chapitre. Quand vous dites que quand vous ne recouvrez pas le monde de mots et d'étiquettes, le sens du miraculeux revient dans votre vie. Cela a été perdu il y a longtemps quand l'humanité est devenue possédée par la pensée au lieu de juste utiliser. Que vous voulez dire? Que voulez-vous dire par rapport à ça? Oui, maintenant, habituellement, et chacun peut le vérifier par sa propre expérience, quand nous expérimentons le monde phénoménal, peu importe ce que nous expérimentons, nous ne l'expérimentons pas directement. Il est recouvert par une discussion en soi-même, qui est le processus mental. Donc, quand vous évoluez dans votre vie, que vous rencontrez des situations, ou des gens, ou faites votre travail, la plupart du temps, il y a une voix dans la tête. On peut l'appeler la voix intérieure. Mais il s'agit du processus de pensée conditionnée et il commente et interprète et étiquette mentalement tout ce que vous percevez ou expérimentez. Donc, il y a toujours un commentaire en cours dans la tête des gens. Donc, ils ne sont pas en relation avec le monde directement et immédiatement, mais à travers le voile d'une discussion intérieure. Et donc, cela diminue grandement ce sentiment d'être vivant, ce sentiment de comment vous êtes en relation avec le monde extérieur et particulièrement avec les autres êtres humains. Par exemple, si chaque fois que je rencontre un autre être humain, j'ai immédiatement certaines pensées et jugements dans ma tête qui arrivent au moment où je rencontre cette personne, je suis déjà en train de penser quelque chose de cette personne. C'est ça, vous l'avez déjà étiqueté. Je l'ai déjà étiqueté, je ne suis déjà plus vraiment en communication avec cette personne. Je suis en communication avec mes propres étiquettes. Oui, et ce que vous nous disiez la semaine dernière, et vous le dites également dans ce chapitre, même une pierre et plus facilement une fleur ou un oiseau peut nous indiquer un chemin de retour à Dieu, à la source de vous-même, quand vous l'observez et le laissez être sans lui imposer un mot ou une étiquette mentale. Et ce que vous expliquiez la semaine dernière est que si vous pouvez apprendre à faire cela avec la nature dans un premier temps, d'arrêter d'étiqueter les choses, mais juste ressentir l'essence et la présence des choses, cela vous permet alors de graduellement en arriver à faire de même avec les gens. C'est ça. Car la plupart du temps, nous n'allons pas dans la présence avec les gens. Nous avons déjà étiqueté ainsi que la situation, et donc nous réagissons à travers les situations plutôt que par rapport à ce qui se passe réellement. Oui, c'est ce que vous dites. Oui, nous avons déjà mis les gens dans des boîtes mentales. Et donc, nous ne les expérimentons plus dans leur pleine expression vivante. Nous nous sommes désensibilisés à travers cette conceptualisation mentale permanente. Nous nous sommes désensibilisés de l'expression vivante des autres êtres humains. Car à partir du moment où je mets une étiquette sur un autre être humain, je me suis déjà désensibilisé de sa vie. Donc, vous dites que plus vous attribuez des étiquettes verbales ou mentales aux choses, aux gens ou aux situations, je suis en page 26 en bas, plus vous serez hermétique à la réalité, au miracle de la vie, qui se déploie continuellement en vous et autour de vous. Oui, je me promène à pied chaque jour dans une petite forêt près de chez moi et souvent je rencontre des gens qui font leur jogging ou des amis qui sortent se promener ensemble. La plupart des gens sont en train d'écouter quelque chose avec leurs écouteurs et leurs appareils audio. Et ils parlent à leurs amis. Et très peu de gens sont en réalité réellement vraiment présents là, lorsque je marche dans cette belle forêt. Et c'est une pratique spirituelle et je recommande aux gens, quand ils vont dans la nature particulièrement, de pratiquer le fait d'être très alerte. Et de telle façon qu'ils puissent percevoir les arbres, les fleurs, les plantes, le ciel. Sans trop d'interférences mentales. C'est intéressant justement, car quand j'avais l'habitude de courir tout le temps, il y avait aussi tous ces gens qui couraient également avec leurs écouteurs et qui demandaient « qu'est-ce que vous écoutez ?» Et même maintenant, quand je sors, j'aime juste être et ressentir mes pieds sur le sol, j'aime être juste avec moi-même. Et je trouve que d'écouter quelque chose pendant ce temps-là, c'est un peu une distraction pour moi. Oui. Et donc c'est une belle pratique, c'est une bonne pratique. Mais vous pouvez même, sans quitter votre maison, vous pouvez pratiquer aussi avec des plantes en pot chez vous, dans votre pièce. Regardez la plante juste quelques secondes, 10 secondes, 20 secondes, et juste apportez votre attention sur le sens de la perception. Et réellement, regardez sans finalement dire quoi que ce soit à son propos. Bien, Heather de l'île de Vancouver au Canada est sur Skype. Hello, Oprah. Hello, Eckhart, je suis honoré de vous parler aujourd'hui. C'est fun, ok, continuez. Je voudrais vous louer pour ce livre spectaculaire, Monsieur Tollet. Il provoque en moi des pensées, des questions, par exemple. Quand on se libère de l'ego, où va donc cette énergie? Oh, bonne question. Bonne question, oui, merci. L'énergie qui était utilisée par l'ego, maintenant, qu'est-ce que l'ego? Il est constitué à la base d'un processus de pensée conditionnée, compulsif, de telle façon que nous n'en sommes pas conscients. Donc nous nous identifions si étroitement avec ce flot que nous ne savons même pas que nous pensons. Donc toute cette énergie est utilisée pour un processus de pensée continue et d'une façon générale inutile. Même les psychologues qui ne sont pas forcément intéressés par les choses spirituelles, observent la nature de la pensée humaine et ont découvert que 98% ou 99% de nos pensées sont assez inutiles et répétitives. Elles ne sont pas vraiment nécessaires. Donc où va cette énergie? Cette énergie, qui alors se trouve libérée de la pensée, devient présence, qui est une nouvelle dimension. En fait, pas entièrement nouvelle, car presque tout un chacun a eu quelques aperçus de la présence, mais c'est une dimension de la conscience dont la plupart des gens ignorent l'existence. Et vraiment, c'est l'essence de tout cet enseignement. Et chacun en a eu un aperçu. Et je suis sûr que vous aussi, Heather, et tous ceux qui nous écoutent, et chacun a vécu ce petit instant où tout est OK, un moment de béatitude où rien ne laissant penser que vous alliez ressentir ça. Et pourtant, il y a un sentiment qu'il y a une conscience qui vous fait expérimenter cela. Comme vous dites, un aperçu de quelque chose de plus grand que vous-même. Oui, ça peut venir accidentellement. Parfois, cela vient dans la vie des gens accidentellement et soudainement, vous avez un profond sentiment de paix intérieure et d'être en vie et que tout est juste. Et pas parce que quelque chose de particulier s'est produit et donc il n'y a pas de cause extérieure pour cela. C'est une joie sans cause, on pourrait dire. Cela vous est arrivé, Heather? Ça vous est arrivé? Occasionnellement, oui, occasionnellement. Et vous vous êtes demandé comment cela est arrivé, histoire de faire que ça se reproduise encore. Et cela peut se produire aussi quand vous êtes engagé dans une activité physique vigoureuse, et donc qui requiert beaucoup d'attention, comme escalader une montagne. C'est-à-dire que vous avez besoin d'être totalement présent quand vous escaladez un mur. Vous devez être présent à chaque moment. Si vous perdez la présence et commencez à penser à ce que vous ferez quand vous serez redescendu, vous aurez probablement un accident. Donc certaines activités très vigoureuses demandent une présence absolue. Et certaines personnes deviennent en fait dépendantes de certaines activités dangereuses, car elles se sentent plus vivantes dans ces moments, car vous devez être complètement présent. Oui, la raison pour laquelle elles se sentent tellement plus vivantes vient du fait qu'elles ne pensent presque plus du tout, car vous devez être présent, vous devez être absolument là. Dans le but d'escalader une montagne ou ce genre d'activité. Oui, votre attention est absolument là. Cela répond-il à votre question? Oui, tout à fait, merci. Bien, merci beaucoup, Heather de Vancouver, Canada. Bien, Heather a introduit toute cette idée du soi illusoire dont vous parlez en page 27. Le mot « je » incarne la plus grande erreur et en même temps la plus grande vérité. Que voulez-vous dire par là? Oui. En général, quand les gens disent « je », ils se réfèrent à ce que j'appelle « moi » et « mon histoire », qui est votre histoire personnelle, que vous identifiez comme étant vous. Donc chacun a une histoire, bien sûr, car chacun a un passé. Maintenant, la plupart des gens sont identifiés avec l'histoire de leurs succès, de leurs échecs, aux choses qui leur sont arrivées, aux choses qu'ils ont acquises. Ils se voient en tant que victorieux, en tant que victime, ayant réussi pour quelques raisons. Et il y a une certaine histoire qui se développe. Car vous vous demandez qui je suis, c'est ce que je vais vous raconter. mon histoire. C'est ça, mes succès, mes échecs, où je suis né, ce que je fais, qu'est-ce que ma mère a fait ou n'a pas fait. C'est ce que nous pensons être. C'est ça. Maintenant, c'est ce que j'étais en train de dire. Et ce que tous les maîtres spirituels également disent. Vous n'êtes pas cela essentiellement. Ce n'est qu'une collection de souvenirs. Et bien sûr, les souvenirs sont des pensées. Ce n'est rien d'autre qu'un paquet de pensées auxquelles vous vous identifiez et que vous croyez être. Si bien que cela devient presque une entité créée par l'esprit, un soi, un sentiment de soi, comme une entité fantôme qui vit avec vous à laquelle vous vous référez en tant que vous-même. Vous avez donc vous et vous-même. Par exemple, vous avez l'histoire intéressante de Narcisse dans la mythologie. Narcisse était quelqu'un qui vivait, selon l'histoire, la mythologie bien sûr incarne quelques vérités toujours qui sont au-delà des personnages. Narcisse se trouvait là à se promener quelque part et soudainement il baissa son regard et vit sa propre image dans un plan d'eau à une époque où il n'y avait pas de miroir, bien sûr. C'était donc une surprise pour lui de voir son reflet dans l'eau. Et l'histoire raconte qu'il tomba amoureux de lui-même. Mon idée est qu'une meilleure traduction serait qu'il est devenu obsédé par lui-même. Et pour moi, cela signale le début de l'ego humain. C'est d'avoir une image mentale dans votre tête, ultimement, non pas à l'extérieur, et qui est juste une histoire, une image mentale dans votre tête, que vous regardez comme étant vous-même. Et cette image mentale est le moi créé par l'esprit. Elle est constituée de mémoires, de choses qui vous sont arrivées, de choses, des échecs, des réussites, des opinions, toutes sortes de choses qui, je l'explique dans le livre, font ce moi. Bien, je ne suis pas les mémoires, je ne suis pas les choses qui me sont arrivées, je ne suis pas mon histoire. Alors, qui suis-je? C'est la question. Et en fait, qui suis-je est une question qui, dans certains enseignements spirituels orientaux, est utilisée comme une sorte de mantra ou un révélateur que vous vous répétez en vous-même dans un contexte de méditation. Vous vous asseyez et vous demandez « Qui suis-je ?» Et vous n'êtes pas supposé répondre à cette question. Vous laissez un blanc après la question. Dans ce blanc, dans cet espace vide, si ça marche, si cette pratique fonctionne comme elle devrait, vous expérimentez soudainement un sentiment de présence qui n'a rien à voir avec votre processus de pensée. Votre propre sentiment d'une présence consciente, vous étant votre présence qui fait également partie de votre présence physique, mais qui est un sentiment d'être vivant. Chaque cellule du corps devient partie intégrante de ce sentiment de présence et de vie. Et comme nous le soulignons ici, si vous pouvez avoir un petit aperçu de cela, un aperçu de votre propre présence, qui, une fois encore, n'a rien à voir avec la pensée, c'est plus profond que la pensée. Comment pouvons-nous avoir un aperçu de ça en étant assis ici? Nous avons un aperçu de ça. Je recommande de voir si vous pouvez ressentir la vie intérieure de votre corps, s'il n'y a pas un sentiment dans lequel vous pouvez avoir l'impression que chaque cellule du corps est vivante. Maintenant, si les gens... Mais n'est-ce pas mon esprit qui pense cela? Votre esprit peut penser, bien sûr, je suis vivant. Comme dans votre livre, vous dites, sentez la vie dans vos mains. Okay. Quand je vais pour sentir la vie dans ma main, je peux la ressentir dans ma main, à moins que j'ai un esprit pour la ressentir. Non. Donc, si vous fermez les yeux, et si vous avez votre main comme ça, et alors vous ressentez ça, la sensation vibrante dans votre main. Je fais toujours cet exercice avec les gens qui ne voient pas ce que je veux dire quand je parle du corps intérieur. Ok, bien, ça peut être beaucoup de gens qui écoutent en ce moment. Continue. Vous tenez donc votre main comme ça, et vous fermez vos yeux, et vous vous demandez, sans rien toucher, sans bouger ma main, comment puis-je savoir que ma main est toujours ici? Comment puis-je savoir cela? Maintenant, votre esprit peut dire, bien sûr, je le sais, car je me souviens l'avoir vu quelques secondes plus tôt. Oui, je la sens là, ici même. Cela dit, vous ressentez l'intérieur est vivant. Et c'est... Et c'est le début de la rencontre avec votre corps intérieur, le champ d'énergie. Mais j'ai besoin que mon esprit fasse cela néanmoins. Vous avez besoin de votre attention consciente pour faire cela. Okay. Mais pas de pensée, pas de pensée. Non, c'est la différence. Vous avez besoin d'attention qui est conscience. Oui, vous avez besoin de conscience pour ressentir cela, mais la conscience s'éloigne de là où elle se trouve habituellement. C'est ce que nous avons fait quand nous avons commencé aujourd'hui avec une respiration. Maintenant, la conscience va dans la main et vous pouvez ressentir. Si vous pouvez ressentir votre main, vous pouvez également ressentir l'autre main. Si vous pouvez ressentir vos deux mains en même temps, vous pouvez peut-être ressentir vos deux bras. Et si vous pouvez sentir vos bras, peut-être que vous pouvez sentir vos pieds. Ok, et alors que je commence à ressentir cela et que chacun autour du monde ressent cela, ensuite quoi? Cela veut dire que nous pourrions appeler cela le fait de pratiquer l'incarnation. Cela vous maintient dans le moment présent et vous maintient présent et hors du processus de pensée, hors de vos pensées, en rapport avec ce que je fais, ce que je vais avoir à faire demain. Oui, et cela vous amène hors de l'ego, car l'ego vit dans votre processus de pensée et est constitué du processus de pensée. À partir du moment où vous centrez dans la sensation de la vie du corps, vous sentez il y a un sens du soi qui est plus profond que la pensée. Vous êtes cette vie que vous ressentez. Vous êtes cette présence vivante. Et cela s'applique que votre passé ou histoire personnelle soit heureuse ou malheureuse. Pour la plupart des gens, c'est une histoire très mitigée. Mais aucune histoire personnelle n'est entièrement heureuse. Avec très peu d'exemples. Et vous avez juste à attendre un peu jusqu'à ce qu'elle devienne malheureuse à nouveau. Même chez les gens qui disent « j'ai eu une enfance super ». Oui, non. Mes histoires personnelles sont toutes très problématiques et les gens croient « oh, c'est seulement moi », mais ce sont toutes les histoires personnelles. Car c'est ce qu'est être un humain. Donc, s'écarter et trouver une dimension qui n'a rien à voir avec votre passé, votre histoire, ou que vous soyez une misérable erreur aux yeux du monde ou aux vôtres, cela n'a rien à voir avec ça. J'aime quand vous dites, page 28, « je n'ai pas qui vous êtes ». Par un monstrueux acte de réductionnisme, ce qui est une belle façon de le dire, l'infinie profondeur de votre essence est confondue avec un son produit par les cordes vocales, avec la pensée du « moi » dans votre esprit, ou quoi que ce soit à quoi le « moi » s'est identifié. Alors à quoi renvoie ce jeu, ce « moi » et leurs collègues, mon, mien, mienne? Vous parlez de quand un enfant commence à identifier « mon jouet ». Oui, c'est le commencement de l'ego, quand l'enfant commence à s'identifier avec un objet extérieur. Et vous pouvez voir quand le jouet est retiré de l'enfant, après que cette identification s'est produite, après que l'enfant a pensé que c'était son jouet, il y a alors une énorme quantité de souffrance pour l'enfant. Il va commencer à crier et dire « c'est le mien, c'est le mien ». Donc le jouet lui a été retiré. Pourquoi est-ce si douloureux pour l'enfant? Parce que c'est le début de l'ego. L'ego a perdu quelque chose auquel il s'est identifié. Et c'est une mauvaise perception de qui l'on est. Et donc, c'est très douloureux. L'enfant pense que le jouet a quelque chose à voir avec ça. Qui ils sont? C'est qui ils sont? C'est l'identification. Et c'est pourquoi les enfants font des crises. Par rapport à un jouet, vous dites c'est juste un jouet. Oui, et deux jours plus tard, ils n'ont plus d'intérêt pour lui. Et donc, c'est le début de ça. Et c'est parce qu'ils pensent que le jouet, c'est eux ou une partie d'eux. Ils pensent que c'est une partie d'eux. Cela ajoute quelque chose à leur idée de qui ils sont. Et quand vous leur retirez, ils pensent que c'est comme perdre un membre, car c'est tellement devenu une partie de ce qu'ils pensaient qu'ils étaient. Oui, dans l'esprit de l'enfant, c'est une partie de moi. Et ensuite, quand on grandit, nos jouets deviennent simplement plus grands, ils deviennent plus grands. Nous pleurons parce que j'ai perdu des possessions extérieures. Mais bien sûr, les possessions sont une part importante de ce à quoi les gens s'identifient et qui deviennent part de leur identité, mais il y a beaucoup d'autres choses à part les possessions. Par exemple, la position sociale, comment les autres vous voient, car les autres choses auxquelles vous dites que le jeu s'identifie sont la nationalité, la race, la religion, la profession, la mère, le père, le mari, la femme, etc. Les rôles qu'ils jouent, les opinions qu'ils ont. Vous pouvez voir, par exemple, quand Mais ce sont des rôles, ce sont des vrais rôles, vous savez. Oui. Les gens sont des pères, des mères, oui. Oui, et maintenant c'est important, bien sûr, de réaliser ces fonctions que vous avez dans ce monde. Et votre mère et père sont des fonctions importantes. Oui, et votre nationalité, votre race, votre religion, c'est ok. Vous vous identifiez avec ces choses, c'est bien d'honorer ces choses. Mais si c'est tout ce que vous avez, alors vous êtes perdu dans une réalité de surface qui finit toujours par devenir douloureuse et conflictuelle. Vous pouvez voir, par exemple, les gens discuter, et si quelqu'un remet en question l'opinion de quelqu'un d'autre, très souvent, ils se mettent immédiatement sur la défensive. Parfois même, ils deviennent agressifs ou commencent à crier. Et parce que les opinions sont une autre chose qui, c'est mes croyances, les miennes. Ils s'identifient avec une pensée qu'ils ont, et qui que ce soit qui questionne cette position mentale devient immédiatement votre ennemi, car vous croyez que vous êtes attaqué. Vous n'êtes pas attaqué, mais l'image que vous avez de vous-même, l'opinion en fait partie. L'ego croit qu'il est attaqué. Vous dites que quand vous pouvez voir que c'est ce que vous pensez, quand vous pouvez voir l'illusion de cela, au moment où vous pouvez voir l'illusion de ça, que ce sont des pensées dans ma tête, que c'est quelque chose à laquelle je me suis dit que je croyais, c'est quelque chose avec laquelle je me suis dit que j'étais identifié, alors quand vous pouvez voir que celui qui voit, l'observateur, est qui vous êtes en réalité. Oui, et celui qui voit ou l'observateur est la présence de la conscience. Donc vous dites que nous sommes toujours deux en nous. Oui, il y a la conscience sans forme et il y a la forme que la pensée devient. La pensée est une formation d'énergie. Et vous avez juste mentionné que l'essence est d'être là en tant que conscience quand cela se produit. Je m'adresse maintenant à Victoria. Victoria, via Maui, elle nous a rejoint via Skype. Allô. Merci, Oprah et Eckhart, pour cette formidable opportunité. J'ai été diagnostiqué il y a plus de 10 ans du lupus systémique et d'une polyarthrite rhumatoïde. Et j'ai été une personne très active, mais il y a 2 ans, j'ai abandonné mon business. Ma santé s'est détériorée et j'ai eu une révélation en lisant ce livre, page 51. Je n'avais jamais réalisé que je m'étais accroché à ma maladie. Et j'en parle hors du contexte du livre, car c'est une expérience vécue. Parce que cela est vraiment devenu la partie la plus importante de qui je me percevais être. Comment puis-je défaire cette identité. Et comment puis-je rester focalisé alors que je suis pris par une douleur atroce due à cette maladie et non pas juste durant quelques moments fugitifs? C'est du réel. Oui, c'est du réel. Oui, maintenant, la chose la plus importante s'est déjà produite et c'est le fait d'être devenu consciente jusqu'à maintenant, d'avoir été identifié avec l'idée d'être souffrante de telle et telle maladie. Donc la maladie est devenue des formes pensées dans votre tête. Et vous vous êtes identifié avec ces formes pensées et les avez prises pour qui vous êtes. Et maintenant, la chose la plus importante, votre question est toujours valide, mais réalisez que la chose la plus importante s'est déjà produite. La conscience est venue. Donc maintenant, il y a un espace entre vous-même et votre processus de pensée et l'image de vous-même en tant que personne malade. Maintenant, une autre chose, bien sûr, que vous pouvez faire est, par exemple, de ne plus parler de votre maladie aux personnes autres que lors d'une visite chez votre docteur. Sinon, plus vous en parlez à vos amis, connaissances, membres de la famille, plus vous maintenez ce processus en vie. Vous lui donnez du pouvoir, oui. Elle donne du pouvoir à la maladie. Si vous pouvez simplement prendre la décision maintenant que désormais je n'en parlerai pas, et si des gens me posent des questions sur ma maladie, ce qui se passera parce qu'ils en ont l'habitude, je dirais que je dis que je fais tout ce que je peux pour la guérir et que je fais de bons progrès. Allez aussi loin que cela et n'encouragez pas les gens à vous poser des questions et dites simplement que c'est comme ça. Ne plus mentionner ma maladie. Donc, vous commencez au niveau extérieur, de ne plus en parler à quiconque, sauf bien sûr quand c'est nécessaire avec les médecins. Et cela aura également une certaine influence sur votre processus de pensée. et ainsi vous pouvez graduellement vous réfréner de penser à vous en tant que personne malade et peut-être donner moins de pensées à votre maladie et vous focaliser plus sur le bien-être. Maintenant, vous pouvez demander, oui, mais si je ne me sens pas bien, comment puis-je mettre mon attention sur le bien-être? Vous pouvez toujours le faire. Une façon de le faire, c'est de voir le bien-être autour de vous dans la nature, car la nature est juste une incarnation du bien-être. Et vous avez beaucoup d'opportunités de faire cela. Maui, vous êtes au meilleur endroit. Et aussi, il y a du bien-être, même si certaines parties de votre corps se sentent mal ou sont douloureuses. Et à nouveau, vous allez vers la sensation du corps intérieur. Et il y a toujours des parties de votre corps où vous pouvez trouver du bien-être, dans vos mains, vos bras ou ailleurs. Mettez quelque attention dans le corps et voyez où puis-je le plus fortement ressentir une impression de bien-être dans le corps et mettez votre attention là. Donc, vous choisissez de porter votre attention vers le bien-être plutôt que de résider dans l'idée de la maladie. Cela ne veut pas dire que la douleur va s'en aller, car elle dit qu'elle a une douleur physique. La douleur peut toujours être là, c'est que, aussi loin que la douleur est concernée, la douleur, malheureusement, requiert l'abandon. Vous devez voir si la peine est là, de telle façon que vous ne générez pas un niveau additionnel de souffrance psychologique qui se complaint d'être dans une souffrance physique. Car si l'esprit arrête de se complaindre d'être dans une souffrance physique, vous avez deux niveaux de souffrance. Vous avez la souffrance psychologique et la souffrance physique. Quittez la souffrance physique avec la douleur physique, vous observez simplement maintenant, c'est comme ça, c'est là. Ne résistez pas, ne résistez pas. Faites ce que vous pouvez, aussi loin que vous allez, avec le traitement, bien sûr, mais ne résistez pas, ne créez pas de souffrance psychologique au-dessus de la peine physique. Vous suivez cela, Victoria? Oui, c'est excellent. Ça a du sens pour vous? Vous savez, ça en a vraiment, oui. Et j'ai un petit jardin derrière où je vais souvent. Oui, car il y a du bien-être tout autour de vous, et vous pouvez presque, et on pourrait dire, l'absorber de là. Contemplez cela. Bien. Envoyez-nous un email dans les prochaines semaines et faites-nous savoir comment ça marche pour vous, Victoria. Je le ferai, Oprah. Merci beaucoup, Victoria de Maui. Nous avons Anne en Irlande au téléphone avec une question. Anne, hello. Hello, Oprah, comment allez-vous? Hello, c'est le milieu de la nuit là-bas? 1h30 du matin. Ok, thank you. Hello Eckhart, ce livre a été si inspirant. J'ai trois jeunes enfants de 5, 7 et 9 ans et materner est une des choses qui m'a motivé le plus pour trouver des moyens d'être plus heureuse avec moi-même. Car c'est si évident que les enfants sont influencés par ce qu'ils expérimentent avec votre façon d'être plutôt que par ce que vous leur dites en fait. Et je vois comment le stress de ma vie a pu avoir un impact sur leur santé. J'ai apprécié les idées dans Nouvelle Terre car je pratique le fait d'être présent avec eux et je prends vraiment du plaisir à passer mon temps avec eux, à ne pas penser au travail et aux choses que je devrais faire autour de la maison, mais juste passer du temps avec eux et être avec eux. Et j'observe les individus qu'ils sont vraiment et qui je suis. Y a-t-il d'autres façons d'amener ces idées à des petits-enfants comme ça? Oui, c'est vraiment une bonne question. Bien que vous ayez déjà mentionné que la chose la plus importante est votre propre état de conscience chez vous, car les enfants absorbent de vous votre état de conscience prédominant. Et si vous pouvez être présente avec vos enfants chez vous, présent veut dire leur donner une totale attention. Quand vous êtes présent, vous ne désirez rien d'eux. Vous leur donnez juste de l'attention, qui pourrait être simplement le fait d'écouter. Ça pourrait être les regarder jouer. Beaucoup de parents ne font pas cela. Ils leur donnent de l'attention, mais c'est toujours en rapport avec désirer, vouloir quelque chose. Ils disent « faites ceci, ne faites pas cela ». Maintenant, ça doit être également fait. J'appelle cela une attention basée sur la forme. Et cela a sa place et sa raison d'être, bien sûr. Les enfants ont besoin de se laver leurs dents et de ranger leur chambre. C'est ok, cela a sa place. Mais d'autres choses sont nécessaires. Votre enfant veut être connu dans son être. C'est vital de donner à l'enfant une attention consciente à la maison. Donner à l'enfant un espace pour être. Cela n'a pas besoin d'être long, juste quelques minutes par jour. Soyez là, présent pour l'enfant. C'est vital. Une chose qui est importante, qui vient à une étape dans la vie du jeune enfant quand il commence à demander. L'esprit veut alors absorber des concepts, donc il commence à demander comment s'appellent les choses. C'est quoi sa maman et ça et ça. Et bien sûr, vous devez leur dire, c'est un arbre ou ça, c'est... Et c'est cela, un lapin, un oiseau. Et ce qui est important, c'est que l'enfant, à ce moment, ne se perde pas immédiatement dans les concepts et qu'il croit qu'à partir du moment qu'il sait que c'est un oiseau, le danger est qu'à partir du moment où vous savez que c'est un oiseau, vous n'êtes plus vraiment en train de regarder l'oiseau. Vous avez un concept oiseau dans votre tête et vous ne regardez ensuite que brièvement l'oiseau. Et le concept oiseau vient dans votre esprit et vous devenez inerte face à l'expression de la vie à travers l'oiseau. Et c'est malheureusement ce qui se passe pour tous dès la petite enfance. Nous nous perdons dans un monde de conceptualisation. Mais bien sûr, vous devez aussi dire à l'enfant comment s'appellent les choses. Mais je suggérerais de ne pas dire à l'enfant que c'est un chêne, par exemple. Dites plutôt, on appelle cela un chêne, car ce n'est pas un chêne. Chêne est juste un mot. Quand on se perd dans les concepts, on prend le mot pour la chose. Pour la chose, oui, compris. Quand je dis c'est un chêne, ce n'est pas un chêne. Le chêne est juste un mot. Donc je perds ma relation avec le chêne, car je crois que maintenant je sais ce que c'est. Et à chaque fois, durant toute ma vie. Et quand vous croyez que vous savez ce que c'est, il perd sa magie, son essence. Il perd sa magie. Magie est un bon mot. Le monde perd sa qualité miraculeuse et son aspect vivant. Après avoir donné à l'enfant le concept, encouragez-le à expérimenter l'arbre. Encouragez-le à toucher l'écorce de l'arbre et à regarder les feuilles. Regardez comment le soleil brille à travers ses feuilles. Encouragez l'enfant à continuer d'expérimenter la réalité de l'arbre plutôt qu'à le prendre pour un concept. Bien reçu, Anne. Oui, je peux voir que ça serait très utile. Oui, ça serait très utile. Merci beaucoup. Continuons avec le contenu et la structure de l'ego. En page 34, chacun, si vous suivez le cours de ce soir, alors que nous parcourons le chapitre 2, c'est très excitant quand vous comprenez vraiment ces concepts en rapport avec l'ego. Vous dites que l'esprit de l'ego est complètement conditionné par le passé. Son conditionnement est à deux niveaux, au niveau du contenant et de la structure. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Le contenu est tout ce à quoi vous vous identifiez et que vous prenez pour vous-même. Et cela varie en fonction de la culture dans laquelle vous vivez. Cela dépend de votre éducation, de vos circonstances personnelles. Et le contenu est différent pour chacun. Il diffère pour chacun, bien qu'il y ait quelques similarités en Amérique ou en France ou dans n'importe quel autre pays dans lequel vous vivez. Il y a certaines similarités qui appartiennent à la nationalité particulière avec laquelle les gens s'identifient. Néanmoins, cela diffère aussi d'une personne à l'autre. Le contenu diffère. Une personne peut s'identifier avec des croyances fortes religieuses et que ceux qui n'ont pas les mêmes croyances sont l'expression du mal et avoir un ego très rigide. Ou une autre personne s'identifie très fortement avec la société pour laquelle elle travaille. J'ai entendu des histoires au Japon où des gens qui ont été licenciés se suicident. Ils sont si identifiés avec leur société que quand ils perdent leur travail, ce qui jusqu'à récemment a été très rare apparemment au Japon, vous étiez censé garder votre travail toute votre vie, de telle façon que cela devenait une partie de ce que vous pensiez être. S'ils ne se suicidaient pas, ils souffraient terriblement car leur identité leur était enlevée. Et tout ça, bien sûr, ça n'est pas leur vraie identité. Votre travail n'est pas qui vous êtes vraiment. Et c'est une partie de l'ego. Et tout cela est le contenu. La structure de l'ego est constituée à la base de l'identification. L'ego recherche quelque chose ou des choses identifiées. Peu importe ce que c'est, une personne peut s'identifier à un ego au look très positif. Exemple, je suis le plus grand qui n'ait jamais vécu. Ça peut être une illusion et c'en est une. Une autre personne peut s'identifier avec une image de l'ego très négative, telle que je suis la personne la plus écœurante qui n'ait jamais existé, la vie m'a si maltraité, j'ai tellement plus souffert que vous, laissez-moi vous raconter. Beaucoup d'égos sont comme ça, juste aussi puissants que les égos qui pensent être les plus grands. Donc l'ego peut tout aussi avoir une prédominance négative que positive, mais dans les deux cas, c'est l'ego. Résumez-nous cela. Vous savez ce que tout le chapitre est, l'état actuel de l'humanité en tant qu'ego. Pouvez-vous résumer cela? L'ego est le faux sens du soi basé sur des concepts mentaux. L'identification avec la forme, les choses. Mais pourquoi avons-nous cela? Pourquoi avons-nous un ego? Nous sommes tous des humains, nous en avons tous un, non? Nous en avons tous un. Vous avez dit la semaine dernière que le vôtre est mort. Cela veut-il dire que vous n'en avez pas? Oui. Vous avez dit que le vôtre est mort au moment où vous avez voulu mettre fin à vos jours. Je suis si misérable, je ne peux continuer à vivre avec moi plus longtemps. Vous avez dit que votre ego est mort à ce moment-là. Et il est mort pour toujours. Oui, quand on dit ça, on dirait un grand accomplissement, mais ce n'est pas le cas. Tout ce que ça signifie, c'est que je ne suis plus identifié avec le processus de pensée. Quand les pensées se produisent, je sais qu'elles sont juste des pensées. Je ne me regarde pas avec une quelconque opinion que j'aurais sur moi, un quelconque concept mental incluant le concept que je suis libéré de l'ego. Je ne pense pas en ces termes, car si j'ai ce concept mental, je suis libéré de l'ego, cela serait encore de l'ego. Cela serait encore l'ego, et cela peut se produire très facilement. Donc l'ego, c'est toute identification avec la forme, car ce que l'on est en réalité, c'est la conscience étant consciente d'être identifié avec la forme. Et plus vous pouvez être conscient que vous êtes identifié avec les choses, plus vous créez un espace vous séparant des choses. Oui, car la question, quand vous êtes conscient d'être identifié, est qui est conscient? C'est une nouvelle dimension de conscience qui vient d'un niveau plus profond de vous-même. Mais comment vivre dans le monde sans les choses? Nous devons avoir des choses, nous devons avoir une maison, un moyen de transport. Il n'y a rien de mal avec les choses. On doit s'habiller, il n'y a pas de mal à avoir des choses, il n'y a pas de mal à avoir des pensées, il n'y a pas de mal à avoir des opinions. Mais à partir du moment où vous vous identifiez avec des opinions, alors vous avez besoin de les défendre. Ils deviennent part de votre pseudo-image. Il n'y a pas de mal à posséder des choses. Mais quand vous vous identifiez, alors si vous les perdez, vous souffrez immédiatement. J'aime quand vous dites que les gens dans le business de la publicité savent très bien que pour vendre, les gens n'ont pas besoin, vraiment, page 35, ils doivent les convaincre que les choses ajouteront quelque chose à la façon dont ils se voient ou dont ils sont vus par les autres. Autrement dit, ces choses ajouteront quelque chose au sens qu'ils ont d'eux-mêmes. C'est ce qu'ils font en vous disant, par exemple, que vous distinguerez des autres en employant tel ou tel produit, ceci sous-entendant que vous serez plus pleinement vous-même. Vous dites que dans bien des cas, vous n'achetez pas un produit, mais un renforceur d'identité. J'ai trouvé ça fantastique. Les produits de marque sont avant tout des identités collectives que vous achetez. Elles sont chères et donc exclusives. Si tout le monde pouvait les acheter, elles perdraient leur valeur psychologique. Et tout ce qui vous resterait serait leur valeur matérielle, qui ne vaudrait qu'une fraction de ce que vous avez payé. C'est intéressant, car je veux dire, je me suis retrouvé dans certaines situations, et on le voit dans les magazines actuellement, particulièrement pour les Oscars ou les Emmy Awards, etc. Les femmes sont alignées dans leurs robes. Il y avait une époque, quand j'étais pour la première fois aux Oscars, les gens étaient intéressés par le film que vous faisiez. Maintenant, ils veulent savoir, tout le monde demande, les paparazzi photographient, qu'est-ce que vous portez? Qui portez-vous? Qui a fait votre robe? D'où viennent les bijoux? Tout est en rapport avec la marque et qui les portera. Et toute la société, d'une certaine façon, est basée là-dessus. Qu'est-ce que vous avez? Et est-ce exclusif? Oui, vous pouvez voir, et je suggère parfois d'observer et voir les magazines, ou de regarder les publicités à la télévision, de ce point de vue, pour voir à quel point vous êtes souvent identifié à mettre l'accent sur l'identité plutôt que sur le produit, les renforceurs d'identité. Ok, voyons quelques questions que vous nous envoyez par email. J'ai Déborah de Mandeville, en Louisiane, qui dit « J'ai des difficultés à accepter la transition entre la beauté de ma jeunesse et le fait de vivre avec un visage et un corps qui ont vieilli. Comment quitter cette sorte de possession et d'obsession, particulièrement pour une femme dans une société obsédée par la jeunesse et la beauté ?» Fantastique question, Déborah. Oui. Fantastique question. Même chose que d'être attaché au renforceur d'identité, des vêtements et des choses et des voitures et avoir. Oui, c'est dur, c'est plus difficile. C'est difficile, c'est particulièrement dur pour les gens beaux. Ça n'a jamais été mon problème, heureusement. Mais j'ai eu d'autres problèmes. J'avais un esprit énorme qui disait « Je suis l'être le plus intellectuel, c'était mon identification et je souffrais de plus en plus et j'ai dû finalement laisser tomber. » Et donc, vous identifiez avec ce qui est le plus évident dans votre vie. Si vous avez un bon look, vous avez plus de chances de vous identifier à ça, probablement plus encore pour une femme qu'un homme, particulièrement dans notre société. Et pour un certain nombre d'années, ça marche assez bien, mais à un moment, vous réalisez que le corps vieillit. Et le temps, le monstre temps, endommage le corps. Oui, j'ai toujours pensé cela également. Je ne connais pas Déborah de Manville, mais j'ai toujours pensé que les jolies femmes vivraient un moment très difficile, car alors que vous grandissez, et que ça devient votre identité, et que tout le monde me fait l'éloge de votre beauté, vous êtes une très jolie petite fille, vous êtes superbe et belle, quand cela commence à se faner, qui êtes-vous à ce moment-là? C'est pourquoi il est important, même à un jeune âge, quand vous êtes encore très à l'aise avec votre apparence extérieure, de déjà voir si vous pouvez apporter une dimension plus profonde dans vos vies, afin de ne pas passer le reste de votre vie prisonnier de cette dimension de surface où vous prenez votre apparence extérieure qui ne durera pas pour qui vous êtes. Bien, elle dit « J'ai des difficultés avec cette phase de transition entre la beauté de ma jeunesse et le fait de vivre avec un visage et un corps qui ont vieilli. » Oui, donc la question est « Alors peut-être, que faire maintenant ?» Oui, comment abandonner cette sorte d'obsession ? Donc avant tout, une fois encore, la conscience émergente que vous avez été et que peut-être, dans une certaine mesure, vous êtes encore identifié avec l'apparence, est une chose importante. Et alors vient une petite chose que nous pourrions appeler l'acceptation. L'acceptation, quand vous regardez dans le miroir le matin, vous réalisez, oui, on peut voir quelques rides ici et là, la peau n'est pas aussi vibrante qu'auparavant, vous pouvez le voir très clairement. Et certaines de ces personnes qui ont été identifiées voient ça comme un problème personnel. Ils voient ça comme si la vie leur avait infligé un coup. Cela n'est pas personnel. C'est la destinée de chaque être humain de vieillir. À moins de mourir prématurément. C'est la destinée de chaque être humain d'expérimenter le déclin progressif de la forme physique. Donc, ce que vous expérimentez est la destinée de tous les êtres humains, tous les humains qui ont vécu et vivront sur cette planète. Je suggère donc que vous pratiquiez un peu l'acceptation, de dire « ce n'est pas mon problème personnel, c'est la destinée de l'humanité. C'est juste ma part. » Et ce qui vient avec l'acceptation, quelle qu'elle soit, c'est un petit espace. Oui, cela met un espace entre le fait de résister à ça, de vouloir être différent. Oui, donc vous avez la condition qui signifie « je deviens âgé » ou « le corps devient âgé ». Et vous acceptez que c'est ce qui se passe. Avec cette acceptation vient un peu d'espace autour de cette condition, un peu de paix autour de cette condition. Et ensuite, une chose très utile, au lieu de dire « je hais mes rides », et c'est le même processus quand vous regardez une fleur. Vous avez une fleur pendant quelques jours et ce qui arrive à votre corps arrive aussi à la fleur. Après quelques jours, elle fane. Vous posez une pomme là et vous voyez ce qui se produit 3 semaines plus tard. Cela se produit juste plus rapidement, mais c'est la destinée de chaque forme de finalement se dissoudre. Donc Déborah a besoin d'arriver à une certaine acceptation de cela. Acceptation et voir que c'est la destinée de toute forme de vie de passer par ce processus. De plus également, et particulièrement pour les gens qui ont été identifiés avec le corps extérieur, cela a été bien pendant des années de porter l'attention, même en étant encore jeune, au corps intérieur, à la vie qui est à l'intérieur du corps, car cela en fait ne vieillit pas, car vous pouvez sentir cette vie de la même façon que vous ayez 80 ans ou 20 ans. Donc, au lieu de toujours vous arrêter à l'apparence extérieure, passez du temps à ressentir le corps intérieur. Quand vous partagez cette histoire dans le livre, je ne me rappelle plus à quelle page, l'histoire de l'anneau. Ah oui, page 38. Vous parlez de l'histoire de la femme qui était très malade et accusait sa femme de ménage de lui avoir volé sa bague. Et ensuite, vous lui avez posé la question. Oui, je lui ai demandé, vous sentez-vous diminué par rapport à qui vous êtes maintenant que vous avez perdu la bague? Vous vous sentez-vous diminué en fait par rapport au sens que vous avez vous-même? Et puis elle a tout d'abord répondu, bien sûr que je me sens diminué. Puis elle s'est arrêtée quelques instants et a commencé à regarder à l'intérieur et j'ai demandé votre sens de soi. Portez-y votre attention. Qu'est-ce que ça signifie pour vous de vous ressentir? Et finalement, elle fut capable d'aller plus profondément et de ressentir sa présence. Ça n'a rien à voir en fait avec la bague et elle a ressenti d'autant plus fort que son identification avec l'objet extérieur avait disparu. Oui, je me suis souvenu de cette histoire car vous disiez que son corps se fanait et sa lumière intérieure devenait plus lumineuse. Oui, presque comme une lumière qui brillait à travers elle. J'ai expérimenté cela plusieurs fois avec des gens que j'ai connus qui s'approchaient de la mort ou qui avaient une maladie, ils savaient qu'ils allaient mourir et vivaient dans un état d'acceptation. Ils acceptaient chaque instant. Et ces gens devenaient très paisibles à l'intérieur car ils avaient abandonné toute identification avec la forme extérieure. Quelque chose d'autre qui était plus profond que la forme, et les religions soulignent rarement le fait qu'en chaque être humain, il y a une dimension que nous pourrions appeler l'éternel ou le sacré, le sans forme. Allons voir les groupes d'études de Chicago qui assistent à notre cours de Borders sur Michigan Avenue. Hello tout le monde. Hello. J'entends que Sharon a une question. Sharon. Hello Oprah. Hello Monsieur Tolley. Je suis si excité de vous parler. J'ai une question. J'ai des relations rapprochées avec des gens qui souffrent de la dépression. Et quand je leur parle et que j'essaie de leur être utile alors qu'ils me racontent leur expérience de dépression, je remarque qu'il y a une intériorité et une forte identification en tant que personne souffrant de dépression. Et je me demande quel rôle l'ego joue dans une dépression et dans quelle mesure ça les aide de les aiguiller vers la compréhension de cette définition de l'ego, de l'identité, du contenu et de celle de la structure. Je veux dire, est-ce juste pour moi de sentir que ça leur serait utile, sachant qu'il semble y avoir une forte identification avec eux-mêmes en tant que personne dépressive? Oui, une fois encore, cela nous ramène à une question déjà posée, à savoir si c'est d'une condition physique dont on souffre ou si c'est d'une condition psychologique. Il y a une tendance à s'identifier avec une maladie ou avec n'importe quoi d'autre. Je suis une personne dépressive et je suis déprimé car je m'identifie avec toute mon histoire et mon histoire est triste et elle ne peut que me faire déprimer. Et c'est ce que les gens disent. Oui, si vous êtes vraiment fortement identifié avec ma triste histoire, et pour beaucoup de gens, oui, l'histoire est triste. J'ai eu aussi une histoire triste pendant des années avant que je lâche prise. Et vous étiez en dépression, vous étiez déprimé. J'étais déprimé, oui. Et jusqu'à une nuit où je me suis réveillé, j'ai réalisé que ce soit malheureux n'est pas qui je suis. J'ai pu ressentir le « je suis » qui venait d'un niveau bien plus profond que moi et mon histoire et mon soi malheureux. Et je décris cela comme le soi avec lequel je ne pouvais plus supporter de vivre. Je me demandais « qu'est-ce que ce soi ? Qui suis-je ? Suis-je ce soi ? » Non, je suis « je ». Je suis la conscience. Je suis présence. Je suis. Donc la question, bien sûr, est « que dire à vos amis ?» Car c'est difficile de dire à une personne qu'elle est identifiée avec l'image d'un ego. Et il y a de fortes chances que vous receviez de la résistance. Exact. Ils répondront « qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» Oui, ils vont vous dire « quel est ton problème ?» Vous savez, je suggérerais de le faire d'une façon plus subtile. Par exemple, peut-être les orienter vers le fait de devenir conscient de leur processus de pensée, observer les pensées qui émergent, plutôt que d'y être totalement identifié. Peut-être pouvez-vous leur parler de votre propre expérience. Vous pouvez dire que ce n'est pas une menace pour l'ego. Si vous parlez de quelque chose que vous avez fait, que vous avez observé vos propres pensées, que vous êtes plus détaché maintenant de vos pensées que vous l'étiez auparavant, et vous réalisez que les mots sont juste des pensées, ils ne sont pas ce que vous êtes. Et si vous pouvez leur parler de vous, cela pourrait les aider. Mais souvent, si vous êtes déprimé, je pense que vous êtes si attaché à l'histoire travaille pour vous. Vous savez, l'idée d'être une personne déprimée travaille pour vous. Oui, donc c'est bien. Parfois, la dépression arrive par vagues pour certaines personnes pendant certaines périodes. Et ensuite, vous passez du bon temps quand vous en sortez. Et ce sont des bons moments, car alors vous êtes conscient que quand vous êtes mal au milieu d'une dépression, parlez-leur plus dans ces moments-là. Cela nous ramène à quelque chose que vous disiez à la fin de la session de la semaine dernière. Alors que tous vous essayez de partager cette information avec vos amis, Eckhart a dit que le plus que vous pouvez faire, c'est de vous demander « êtes-vous prêt à vous éveiller ?» Êtes-vous prêt à être plus présent, plus vivant pour vous-même, car vous ne pouvez embarquer vos amis avec vous à moins qu'ils soient également prêts. Oui, mais parfois vous y amenez les autres également simplement parce que vous incarnez un état de conscience différent, même quand vous êtes avec eux. Ils peuvent être en train de vous raconter leur histoire malheureuse, mais vous n'y entrez pas, ni ne questionnez cette histoire. Vous êtes juste là, en tant que présence consciente et spacieuse. Exact. Non résistant, juste une présence consciente. Et parfois, cela se transmet tout seul, et soudainement, la personne se réveille pour un instant. J'ai eu cette expérience, je crois que j'en parle dans le pouvoir du moment présent. J'avais une voisine, il y a des années, qui était toujours à deux doigts de la crise de nerfs. À chaque fois que je la rencontrais, elle venait toujours avec des histoires extrêmement compliquées en rapport avec ce que les gens lui faisaient, et elle voulait toujours quelque chose de moi, que je la soutienne dans son combat contre les autres. Un soir, elle est venue sonner à 22h30 ou 23h30, et dans l'interphone, elle demanda si elle pouvait monter, car elle avait quelque chose de très important à me dire. Elle est arrivée dans un grand désarroi et m'expliqua qu'elle n'avait pas payé les charges et que nous devions les attaquer, etc. Et je me suis vu entrer dans un état de présence alerte, l'autorisant à parler, sans penser, juste à l'autoriser, dire ce qu'elle avait à dire, et en me sentant plutôt paisible. Et soudainement, elle s'est arrêtée de parler, à regarder autour, et elle avait amené tous ses papiers à étudier, oui, pour vérifier sa position, son histoire. Et soudainement, elle regarda autour et dit, « Ce n'est pas important du tout, n'est-ce pas ?» Et j'ai répondu que non. « Merci, » dit-elle. Elle a ramassé ses papiers et elle est partie. Et le lendemain, quand je l'ai croisée dans la rue, elle est venue vers moi et m'a dit « Qu'est-ce que vous m'avez fait hier soir ? Cette nuit est la première nuit où j'ai bien dormi depuis des années. Que lui avez-vous fait ? Maintenant, la chose est que je n'ai rien fait. J'étais juste là, présent pour elle. Vous n'êtes pas entré dans son histoire, non. Vous n'avez pas donné du pouvoir à son histoire et je n'ai pas nourri son processus de pensée. Et n'y ai pas résisté non plus. » Merci Sharon, merci à tous de Borders, merci Borders, merci. Nous avons Cathy de Pékin en Chine au téléphone avec une question. Hello Cathy de Pékin, hello Oprah, hello Eckhart, hello. Je veux dire juste que c'est géant d'avoir cette conversation mondiale. Je suis une fille de Duluth, Minnesota, vivant à Pékin, en Chine, et parlant avec Oprah et Eckhart à Chicago. Je pense que c'est fun. Ma question... Oui, allez-y. Ma question est que j'ai perdu 14 kilos durant l'année dernière. Pour moi, cela a été un travail spirituel. Ce n'est pas une perte de poids juste à la surface. Et maintenant, mes amis me demandent comment j'ai fait et je me demande comment expliquer que c'était tout un travail spirituel. Ce n'est pas juste un rapport avec ce que vous mangez et le fait de faire des exercices, mais pour moi, ça a changé ma vie. Et mes amis me regardent comme si j'étais mentalement malade quand j'essaie de leur expliquer. J'ai parlé de cela avec une amie l'autre jour, de s'autoriser d'être nourri de l'énergie qui est déjà là à l'intérieur du corps. Je comprends ce que vous voulez dire. Je sais ce que vous savez. Je sais que vous savez. Oui, regardez en soi, être conscient, conscient de quoi vous vous nourrissez et conscient de votre relation avec votre corps afin de lui donner juste ce dont il a besoin. Ce n'est pas en rapport avec la diète et la nourriture et combien de fois vous l'avez fait, mais c'est à propos du fait d'être conscient. C'est juste. Mais la plupart du temps, le monde est focalisé sur l'aspect superficiel, ce que vous mangez. Oui, être à l'écoute du corps aide beaucoup car le corps sait ce dont il a besoin. Vraiment, le surpoids se produit parce que c'est une part de l'ego, l'inconscience, qui cherche un substitut pour avoir l'impression d'être vivant. Oui, je peux le confirmer et vous savez cela aussi, n'est-ce pas, Cathy? Oui, maintenant, je le sais également. Bien, maintenant, vous savez comment l'expliquer à vos amis. Merci. C'est si cool de parler avec vous à Pékin. Quelle heure est-il là-bas? Il est 9h du matin et j'ai réussi à vous capter cette semaine. Comme d'autres, je n'ai pas pu la semaine dernière. Oh, nous sommes toujours là. C'est super. Je sais, j'ai les gens de Skype, de Limelight, de Move et de Oprah.com qui travaillent ici. Et juste avant de commencer, je leur ai dit à tous que la force soit avec vous. Hello. Vous pouvez faire en sorte que les choses se produisent. Ok, merci beaucoup. Merci, ok, bye. Merci beaucoup. Je voudrais revenir au thème de l'identification aux choses, car c'est une question qui intéresse beaucoup de gens. Ce désir incontrôlable de toujours plus pour une expansion sans fin. Vous dites que c'est un dysfonctionnement et une maladie, en page 37, comme les cellules cancéreuses dont le seul but est de se multiplier, inconscientes du fait que cette même multiplication amène leur propre destruction en détruisant l'organisme dont elles font partie. J'ai entendu qu'on a eu sur Skype une accro du shopping, j'ai vu ça tout à l'heure. Elle est toujours là, oui. Ok, nous avons maintenant Joyce de Minnesota qui nous Skype. Joyce, quelle est votre question? Je pensais que cela pouvait s'appliquer à vous. Oui, oui, tout à fait. Et maintenant, malheureusement, ça s'applique également à mon fils également. La semaine dernière, il est revenu de la garderie et je lui ai dit « Je suis si heureuse de te voir et je suis dans une telle super forme » et il m'a répondu « Oh bien, est-ce que ça veut dire qu'on va faire du shopping ?» et j'ai pensé que ça commençait à déteindre sur lui. Donc ma question est comment puis-je inverser ce processus chez lui ? Oh bien, tout d'abord, laissez-moi vous demander, vous lisez le livre, c'est exact. Oui. Bien, donc vous avez lu également le chapitre 2 déjà. Est-ce que vous vous êtes reconnu dans les pages ? Oui. La révélation pour moi a été de voir qui vous êtes vraiment, ce soi derrière la surface. Une de mes citations favorites dans ce chapitre est « Quand vous ne pouvez plus sentir la vie en vous, il est probable que vous la remplirez d'objets. » D'objets, oui. N'est-ce pas ce que vous seriez en train de faire? C'était moi. Depuis que j'ai commencé à lire ce livre, je me suis bien amélioré. Je ne recherche plus ces choses. Je pense que j'essaie de trouver mon identité dans les choses et depuis que j'ai arrêté et que je n'ai plus envie d'aller dans cette direction, j'ai découvert tellement plus sur moi-même. Je suis artiste et je fais des sculptures et juste des choses que je n'avais jamais fait auparavant. Donc, ça ne se passe bien pour moi. Je voulais juste savoir comment renforcer ça chez mon fils également, car il n'a que 5 ans. Oh bien, maintenant, le changement le plus important s'est produit en vous. Donc, vous êtes devenu consciente de l'ancien scénario. Vous êtes allé au-delà et c'est inévitable que maintenant, même si vous ne dites rien, cela se transmettra tout seul à votre fils. Aussi, quand au bout d'un certain temps, votre fils verra que l'importance que vous donnez au fait d'acquérir et d'accumuler des choses a diminué, cela se reflètera également en lui. C'est comme ça que ça marche avec les jeunes enfants. Oui. Cela prendra un certain temps. Puisque depuis tout bébé, il vous a vu accro au shopping, c'est comme ça que vous vous êtes décrite à nos producteurs. Et donc, c'est ce qu'il voit. C'est ce dans quoi il a été emmené. C'est ce à quoi il s'identifie avec autant de plaisir. Et quand vous dites, je suis en super forme et que les choses marchent, eh bien, allons faire du shopping, maman. Car c'est ce que maman fait toujours. Oui, une autre chose est que vous pouvez peut-être faire... C'est l'orienter vers des choses qui sont de valeur intrinsèque, que vous ne pouvez acheter. Par exemple, le monde naturel. Tout ce que vous voyez dans la nature est d'une valeur intrinsèque, infinie, et vous ne pouvez l'acheter. Ne cueillez pas de fleurs, par exemple. Ne l'encouragez pas à cueillir, car cela est en rapport avec l'instinct de posséder, l'instinct de « oh, je veux ça pour moi ». Pourquoi ne pas autoriser la fleur à être là et en jouir quelques secondes en la regardant? Aiguillez-le vers ces choses. Engagez-vous dans des activités qui peut-être impliquent la nature et voyez que cela a plus de valeur que tout ce que vous pouvez voir dans un centre commercial. Ça ne veut pas dire que vous n'achèterez plus rien. Parfois, vous pouvez tomber sur quelque chose qui a l'air vraiment joli, qui vous parle, et vous pouvez l'acquérir. Mais l'approche ne sera plus compulsive. Vous dites que nous devons honorer le monde des objets, non le mépriser. Mais nous ne pouvons les honorer si nous essayons de nous trouver à travers eux. Et comment les honorer? Vous les honorez en y portant de l'attention. J'ai eu parfois quelques possessions et il m'arrivait de les regarder et de me dire « c'est joli de les regarder » et que si quelqu'un les volait, ça serait ok. Si quelqu'un les désire plus que moi, c'est bien, vous laissez aller. Il n'y a pas d'identification, mais on peut en jouir. Vous pouvez apprécier ce qui est beau. Vous pouvez tomber sur une belle image et l'acheter. Vous pouvez tomber sur un beau tissu, peu importe ce que c'est, et vous y voyez de la beauté en lui. Et parfois, ça sera suffisant de reconnaître la beauté derrière une vitrine et de dire « Oh, n'est-ce pas joli ?» Bien sûr, je n'en ai pas besoin, et vous continuez votre chemin. C'est une pensée. C'est une pensée que je n'ai jamais eue. Il y a beaucoup de liberté là-dedans. C'est beau, laissons-la. Je peux juste admirer sa beauté. Qu'en pensez-vous, Joy? C'est beau, laissons dans la vitrine. Ça marche pour moi. C'est pareil que la fleur, vous n'avez pas besoin de l'accueillir. C'est une pensée. Oui, c'est une bonne pensée, j'aime ça. Appréciez, vous pouvez vous promener occasionnellement, je ne le fais pas toujours, mais parfois j'apprécie de regarder les magasins. Quand j'habitais à Londres, j'allais parfois à Regent Street voir tous ces beaux magasins, faire du lèche-vitrine, regarder, et comme c'est beau... Désirais-je l'acheter? Non, même pas. Ça, c'est si vous pouvez juste accepter que c'est beau et le laisser être. C'est beau et ensuite continuer. Merci Joyce. Merci beaucoup Joyce. Merci. Nous avons quelqu'un de l'Inde. Je ne connais pas le nom de ce pays. Priyanka. Sri Lanka? Non, le nom de la personne est Priyanka de Mumbai. Quand on essaie de remplacer nos mauvaises habitudes par des bonnes, ne sommes-nous pas alors en train d'essayer de résister plutôt que de nous accepter nous-mêmes? Oui, ce n'est pas que vous changez vos mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes se dissolvent quand vous mettez de la conscience sur elles. Donc ce n'est pas moi essayant de changer quelque chose en moi, mais quand vous amenez de la conscience sur les anciennes formes conditionnées de comportement et de pensée, ceci, après un moment, finissent par disparaître d'eux-mêmes. Ce n'est pas moi qui essaye d'amener du changement. Il y a l'émergence de la conscience et le changement se produit. La dame à laquelle nous venons juste de parler a lu le chapitre sur le shopping et cela l'a immédiatement amené à ce point de conscience. Et avec la conscience, la compulsion diminue immédiatement. Se détend. Vous parlez de l'illusion de la possession en page 42. Vous dites que l'ego a tendance à assimiler l'avoir et l'être et vit de comparaison. Et vous mettez une citation de la Bible. « Béni soient les pauvres d'esprit, a dit Jésus, car leur royaume sera celui des cieux. » Qu'est-ce que « pauvre d'esprit » signifie? Tout simplement, pas de bagage intérieur, pas d'identification. Je n'ai jamais su que pauvre d'esprit signifiait cela. Comment en êtes-vous arrivé à cette interprétation de ce que signifie pauvre d'esprit? Il y a eu un moment, après être passé par cette transformation intérieure, peut-être 3 ans plus tard, j'étais en visite chez ma mère et elle avait le Nouveau Testament sur une étagère. Je l'ai pris et commencé à lire. J'ai soudain pu voir la vérité qui se cachait et que la plupart du temps, l'interprétation conventionnelle de ce que Jésus a dit est superficielle. Et ce fut une des choses que j'ai immédiatement vue avec l'expression « pauvre d'esprit ». J'ai réalisé que cela avait à voir avec le fait de ne pas être encombré à l'intérieur, de telle façon que votre esprit soit très léger, il n'a pas de fardeau. Et donc, il y a beaucoup de choses comme ça. À ce moment, j'ai lu et soudainement vu, oh, il parlait d'éveil et du fait de vivre dans cet état de conscience libre. C'est merveilleux de lire et d'être capable de voir que quelque chose qui n'était pas forcément clair auparavant prend soudainement tout son sens. Vous parlez également de la renonciation des possessions qui ne va pas automatiquement vous libérer de l'ego, qu'il y a des gens qui ont renoncé à toutes les possessions et qui ont des égos plus grands que certains millionnaires. Donc si vous laissez tomber une sorte d'identification, l'ego va rapidement en trouver une autre. Par exemple, je suis plus spirituel que vous. Vous voyez ça tout le temps. Donc l'identification. Des gens utilisent leur religion pour dire je suis mieux que vous, car je suis plus religieux, ou même une image de moi-même en tant que personne spirituelle, je suis plus spirituel que vous. Par exemple, vous pourriez avoir théoriquement un homme conduisant une Rolls-Royce et dans la même rue un homme sur un vélo, et c'est assez possible. Pas nécessairement, bien sûr, car ça pourrait aussi être l'inverse, mais c'est assez possible que l'homme en vélo puisse avoir un ego plus grand que celui dans la Rolls-Royce s'il se considère spirituellement supérieur à l'homme dans la Rolls. Et donc l'ego se compare lui-même aux autres, dans le but de trouver une supériorité quelque part. Oui, car dans une autre citation favorite est « À chaque fois que vous vous sentez supérieur ou inférieur à quelqu'un d'autre, c'est l'ego qui entre en jeu. » Oui, et c'est très intéressant, vous pouvez vous observer dans beaucoup de situations, car l'ego regarde toujours en dehors. Quand vous entrez dans un groupe de personnes ou que vous rencontrez des gens nouveaux, et il veut se positionner quelque part. Ai-je un meilleur look que cette personne? Ou ai-je plus de connaissances qu'elle? Ou suis-je plus riche qu'elle? Ou est-elle plus riche que moi? Donc, l'ego essaie de se positionner et cela amène vers un sens de supériorité ou d'infériorité, et dans les deux cas, c'est l'ego. Oui, bien, cela me fait penser aussi qu'un des problèmes dans notre pays, en particulier ici aux États-Unis, c'est que les gens vivent leur vie dans l'endettement. Ils sont endettés, dettes avec les cartes de crédit, submergés par les dettes, à cause de ce dont vous parlez en page 46, le vouloir, le besoin de plus, le vouloir, maintient l'ego plus en vie que l'avoir. Parlons de cela. Voilà encore une structure de l'ego, car nous avons parlé de contenu et de structure. Et une des principales structures de l'ego est qu'il n'est jamais satisfait. Par exemple, quand vous avez atteint un but ou atteint quelque chose que vous vouliez, j'ai une belle maison, des belles choses dans la maison. Au bout d'un petit moment, cela ne vous satisfait plus et c'est toujours un signe que c'était un problème de l'ego. Parce que maintenant, j'ai besoin de choses plus belles, j'ai besoin de plus de mètres carrés. Rien ne satisfait l'ego très longtemps et donc il a besoin de continuer de rechercher toujours plus et plus. Et bien sûr, cela a à voir avec l'ego et son besoin de futur, car c'est seulement en attachant une importance excessive au futur, car il cherche à avoir dans le futur, il cherche à se compléter en quelque sorte, il veut atteindre quelque chose en addition à ce que vous avez déjà. Donc quand allons-nous arrêter cela et commencer à être satisfaits où nous nous trouvons avec ce que nous avons et ce que nous sommes? Bien, tout d'abord, voir l'illusion de chercher un accomplissement dans le futur. Parfois, les gens ont besoin de vivre un certain temps pour voir que c'est vrai, en fait. Peu importe ce que vous accomplissez ou que vous atteignez, vous n'êtes pas satisfait très longtemps. Donc, que faisons-nous de cela? Nous réalisons que la chose la plus importante dans notre vie, nous l'avons négligée, toujours. Et c'est l'ego en nous qui a toujours négligé cela. Et cette chose qui est absolument la chose la plus importante est l'instant présent. L'instant présent est en fait la plus facile porte de sortie de l'état de conscience, de l'ego. Car quand vous êtes absolument présent en cet instant, l'ego ne peut survivre. Il n'y a qu'une présence consciente. L'ego vit dans le passé ou le futur. Il s'identifie avec le passé, mais ce n'est pas une identité très heureuse. Et il regarde vers le futur et il veut ceci, cela ou cette autre chose afin de se compléter lui-même. Bien, quelqu'un m'a demandé durant la semaine, et que fait-on de nos souvenirs qui sont plaisants ? Vous avez aussi des moments heureux. Bien, c'est bien, les souvenirs agréables. Ok, quand vous vous remémorez ces souvenirs, c'est aussi le moment présent. Donc, peu importe ce dont vous vous souvenez du passé, quand ces choses se sont produites, qu'elles soient plaisantes ou déplaisantes, elles se sont produites dans le passé. C'est ce que nous disons, ces choses se produisent dans le passé. Mais bien sûr, elles se produisent dans l'instant présent, car rien ne peut se produire dans le passé, il n'y a que le moment présent. Et quand vous vous souvenez de quelque chose du passé, quand vous en souvenez-vous-en maintenant, et quand pensez-vous à quelque chose qui pourrait se produire dans le futur, quand pensez-vous à cela dans le maintenant, dans le moment présent, et quand cette chose se produit en fait dans le moment présent. Dans le moment présent, donc il n'y a pas de vie en dehors du moment présent. Et pour les gens, c'est très important de réaliser cela, car l'ego néglige le moment présent en permanence. Il pense passé et futur. Et il donne beaucoup plus d'importance au passé et au futur, et pour lui, c'est presque comme si le présent n'existait pas. Et ce que vous dites, c'est que si nous pouvons apprendre à nous reconditionner afin d'être présents maintenant, alors nous pouvons être plus vivants pour faire tout ce qui peut arriver à être dans le futur. Car quand le futur arrive ici, il sera seulement dans le moment présent. Oui, le moment présent est la fondation du reste de votre vie. Car le reste de votre vie sera également le présent. Compris. Madeline de Pennsylvanie a 13 ans et est au téléphone avec une question. Madeline ? Hello, hello. Hello, en page 47, à la fin du second paragraphe, la phrase dit « L'intense vouloir qui n'a aucun objet particulier se retrouve souvent chez l'ego, encore en formation des adolescents, certains d'entre eux étant dans un état permanent de négativité et d'insatisfaction. » En déclarant ceci, sous-entendez-vous que les adolescents ne puissent être éveillés, que bien que je lise le livre, je peux n'avoir aucune chance d'atteindre la conscience simplement parce que je n'ai que 13 ans et que mon ego n'est pas encore développé ? Continue, Madeline, continue. Je suis juste en train de penser que le fait que tu puisses poser cette question est plutôt super. Oui, maintenant, la première chose est que tu es plus avancé que je ne l'étais à 13 ans. Oui, que la plupart d'entre nous, je dirais. Je n'aurais pas été capable de lire ou de comprendre ce livre quand j'avais 13 ans. Tu lis le livre, Madeline ? Oui. Ok, c'est assez étonnant. Cela ne veut certainement pas dire que tu ne puisses être éveillé, car tu es déjà en train de t'éveiller. Car si tu n'étais pas en train de t'éveiller, ce livre n'aurait aucune signification pour toi. Il y a une nouvelle génération qui est grandie, et il y a de plus en plus de jeunes maintenant, plus qu'auparavant, qui pourraient ne pas avoir à traverser l'extrême illusion de l'ego de notre génération, notamment. Et tu es peut-être l'une d'entre eux. Cela ne veut peut-être pas dire que ton ego ne se développera pas du tout. Ton ego se développera. Mais je ne crois pas que tu seras aussi piégé par l'ego que je l'ai été. Je ne peux parler pour Oprah. Oprah a été piégée. J'ai été très piégée, Madeline. J'étais très piégé. Donc tes chances sont excellentes. Tu es déjà en train de t'éveiller. C'est merveilleux à voir. Laisse-moi te poser cette question néanmoins, Madeline. Quand tu as juste lu ce passage en bas de la page 45, l'intense vouloir qui n'a aucun objet particulier se retrouve souvent chez l'ego encore en formation des adolescents, ce que vous dites, c'est que l'ego des adolescents est encore dans le processus de devenir, de croissance. Madeline, ne remarques-tu pas cela chez tes amis, cette sorte d'intense vouloir? Oui, tout le temps. Ok, donc je crois que c'est de cela qu'il parlait. Il parlait de tous tes amis, Madeline, mais pas de toi. Maintenant, Madeline, est-ce que tu détectes un intense vouloir en toi? Oui, occasionnellement. Mais tu n'es pas complètement identifié, car tu sais que c'est là, il y a une conscience, n'est-ce pas? Okay. Est-ce que tu comprends le livre, Madeline? Oui, ça me parle beaucoup, en fait. En quel cas es-tu? En sixième. Sixième, ok, bien, c'est bien de t'entendre. Merci beaucoup. Est-ce que tu étais à Cannonsburg, Pennsylvanie? C'est ce que j'ai entendu. Bien, super. Merci, continue de lire. Merci. Ok, vérifions pour voir si nous avons des emails. C'est assez cool, n'est-ce pas? Merveilleux. À 13 ans, je n'aurais pas. Écoutez, j'avais tellement de problèmes à 13 ans. Moi aussi. Ça vient du Japon. Toyo Ashi, Japon. Alors qu'on fait notre chemin en étant confiant et affirmé, nos caractéristiques nous ont aidés à trouver un travail, cette grande promotion, etc. Je réalise maintenant que ces qualités sont associées à l'ego. Et la question devient alors, comment faisons-nous pour aller au-delà de l'ego? Être conscient de l'ego est le premier pas. Mais vous pouvez toujours être le raté le plus grand de la Terre et être juste en être conscient et dire « bien, je suis un raté ». Et les gars, c'est sûr, j'ai un gros ego là. Vous savez, on en parlait plus tôt, je pense, vous pouvez être dans le moment tout en étant encore un de ces enragés de la route, un enragé de la route, raté. Et vous êtes conscient d'être un raté et un enragé de la route en ce moment. Il y a peu de chances que dans ce genre de moment, vous soyez conscient en réalité, en fait. Vraiment. Car si vous êtes conscient, vous ne pouvez être totalement possédé par l'ego, par la forme pensée ou la forme émotionnelle. En général, c'est le corps de souffrance qui prend le relais. Oui, si la dimension de conscience est présente, vous n'êtes pas totalement sous l'emprise de l'ego. Mais le chemin le plus rapide pour sortir est de pratiquer autant que possible le fait de vivre le moment présent. Ce qui signifie de porter plus d'attention à ce moment, plutôt qu'au futur ou au passé, afin de faire en sorte que le moment présent devienne le facteur premier dans votre vie, plutôt que le futur et le passé. Bien sûr, vous utilisez encore le futur et le passé pour des buts pratiques. Ça aide pour faire un rendez-vous, pour aller d'ici à là, tout ça, c'est ok, ça marche très bien. Mais cela signifie être présent, autant que possible, être ouvert à tout ce qui arrive dans le moment présent. Le mot que j'utilise, et je crois que ça peut être utile pour beaucoup de gens, est « faites ami avec le moment présent », car l'ego n'ira pas jusque-là. L'ego est toujours antagoniste. Il veut au mieux, il utilise le moment présent comme tremplin, car il veut aller au moment suivant qui promet un plus grand accomplissement. La plupart du temps, l'ego n'aime pas le moment présent, en fait, et résiste au moment présent. Donc, si vous pouvez faire en sorte que le moment présent soit le premier point de focalisation de votre vie et vivre, ensuite, l'ego diminuera très rapidement en vous, car il ne peut survivre au moment présent. C'est comme ça que vous faites, oui. On va au-delà de l'ego. L'ego vit comme si, les gens qui sont possédés par l'ego vivent comme si le moment présent était leur ennemi. Ils sont stressés, ils veulent aller ailleurs, ils font quelque chose, mais ils veulent déjà être à la fin de ce qu'ils font. Allez, disent-ils. Ils ne veulent pas être où ils sont. Ils préféreraient être autre part. Ils ne veulent pas être avec ceux avec qui ils sont. Il y a toujours une tentative intérieure de s'échapper du présent. Et bien sûr, c'est le dysfonctionnement des gens. Oui, j'ai juste eu un moment comme ça aujourd'hui, car j'attendais quelqu'un pour voir quelque chose de près. Ils ont dit, nous sommes vraiment désolés, nous sommes en retard. J'ai attendu et je me suis dit, j'ai appris la leçon de ce livre. Je suis juste là avec moi-même. Je n'attends rien de quoi que ce soit, car si vous attendez, vous êtes dans l'anticipation. Vous êtes hors de ce moment. Attendre signifie que vous n'aimez pas ce moment. Vous préféreriez avoir un autre moment. Donc à chaque fois que vous attendez, pour ainsi dire, pourquoi ne pas pratiquer le fait d'être plutôt que d'attendre? Ce qui signifie d'habiter complètement ce moment et ressentir notre corps, peut-être ressentir notre énergie. Et c'est très plaisant de sentir que vous êtes vivant. Ok, nous avons un dernier appel, une question de Michel à Philadelphia. Hello. Hello, Pra, comment allez-vous? Hello, Eckhart. Et je suis juste un peu excité que vous m'ayez appelé. Ma question était que je suis un peu confuse avec le chapitre 2. Je comprends la citation de Jésus que vous reprenez. Si quelqu'un t'arrache la chemise, laisse-lui aussi ton manteau. Mais où mettez-vous la limite pour ne pas vous faire marcher dessus? Je ne veux pas être une personne égoïste, mais en même temps, je ne veux pas qu'on profite de moi. Bonne question. Donc j'ai eu un peu de confusion avec ça. Oui, ce dont il s'agit, c'est de parfois laisser aller. Il y a plus de pouvoir et de puissance dans le fait de laisser aller que dans le fait de s'accrocher à quelque chose. Il y a des situations où, en réalité, vous devenez plus puissant quand vous laissez aller que quand vous vous agrippez. Ça ne veut pas dire que vous vous faites marcher dessus. En fait, je dis qu'il y a des situations où vous devez très clairement dire non à une situation ou à une personne. Mais même ce non peut être de deux différentes sortes. Habituellement, le non est très négatif. Quand vous dites non à quelqu'un, la personne vous dit « Je vous raccompagne en voiture chez vous » et vous voyez qu'elle est ivre. Bien sûr, vous ne diriez pas oui juste pour être plaisant, vous dites non. Maintenant, est-ce que vous dites non avec une énergie négative et dans un état de résistance ou dites-vous un non positif? Ce qui veut dire simplement un non clair et direct. Je ne ferai pas ça. Non. C'est très différent d'un non résistant. J'appelle ça le non qui n'est pas négatif. Un non de haute qualité. La vérité. Il s'agit aussi de regarder à la raison pour laquelle vous vous agrippez à la chemise. Vous pouvez avoir ma chemise, je vous donnerai la chemise. Si la raison pour laquelle vous tenez à cette chemise, c'est qu'elle vous donnera plus de valeur ou plus, et voir si vous agissez à partir de l'ego quand vous vous y accrochez. Vous dites être capable d'être dans un état de présence et de conscience afin de pouvoir abandonner tout ce qui a besoin d'être abandonné. Ça ne veut pas dire, et s'abandonner ne veut pas dire autoriser les autres à vous marcher dessus, mais c'est d'être complètement présent afin d'être conscient toujours de ce qui est en train de se passer. Donc ça veut dire que dans certains cas, c'est bien de dire ici, vous la voulez, prenez-la. Et dans d'autres cas, non, ça dépend de la situation. Basé sur la vérité de qui vous êtes à n'importe quel moment. Ok, j'ai compris ça, Michel. Bien. J'ai compris ça, Michel. Merci pour la question, ça m'a aidé à comprendre aussi. Bon, terminons avec la paix qui dépasse tout entendement dont vous parlez à la page 56. Quelle est cette paix? Cette paix vient quand vous vivez en alignement intérieur avec le moment présent. C'est avec ce qui est. Peu importe ce que c'est, quand vous ne discutez plus ce qui est, quand vous ne combattez plus intérieurement, ce moment présent est toujours tel qu'il est. Et même si c'est une situation que vous ne voulez pas, même si vous ne la voulez pas, elle est, vous devez d'abord l'accepter. Vous devez l'accepter d'abord et ensuite vous agissez. Car c'était l'exemple de la boue dont vous parliez la semaine dernière, même si vous êtes englué, embourbé. C'est là où je suis maintenant, je suis là. Et ensuite vous agissez. Mais cette action n'émerge plus de la négativité qui est là quand vous n'aimez pas être là où vous vous trouvez. Quand vous n'aimez pas ce moment, toujours être ami avec le moment présent. Accepter l'être du moment présent et ensuite continuer à partir de là. Ensuite, peu importe l'action que vous faites, elle est soutenue par la vie elle-même. Quand vous êtes dans un état de négativité ou de résistance, votre action n'est pas soutenue par la vie. Donc, ce n'est pas inspiré et bien moins efficace qu'une action qui émerge d'un état de non-résistance. Bien, c'est comme la semaine dernière quand nous avions des problèmes que ni vous ni moi ne connaissions avant d'avoir fini l'émission. Et j'ai dit alors que nous prenions un toast avec chacun pour tous leurs efforts que j'allais accepter le fait d'avoir eu un bug avec la diffusion sur le web. Je l'accepte et maintenant réparons-le. Et c'était la leçon pour tous ceux dont l'ordinateur s'est arrêté. C'était la leçon de chacun de dire bien. C'est ce qui est. Et avec ça vient une paix intérieure qui n'a rien à voir avec ce qui se passe ou ne se passe pas, ne pas résister et endommager l'ordinateur. Et c'est la paix qui dépasse tout entendement, car la paix ne peut être expliquée en référence avec des événements extérieurs. C'est la paix que vous vivez en alignement avec le moment présent. Ça, c'est la paix. C'est la paix de vivre en alignement. Avant de dire au revoir, je voudrais vous remercier pour être avec Eckhart et moi. Et nous serons là encore lundi prochain à 20h ici. N'oubliez pas, si vous voulez encore expérimenter ce cours ou en parler à quelqu'un qui l'a manqué, il sera disponible en téléchargement dès demain gratuitement. Ici, à oprah.com à partir de midi. Et vous pouvez télécharger le podcast à oprah.com et iTunes. À ceux qui se sont enregistrés, votre mission pour le prochain cours est de mettre à jour votre cahier virtuel et de passer cette semaine à relire et à penser au chapitre 3. Le chapitre 3 est en rapport avec ce qui est au cœur de l'ego. Donc faites vos devoirs et nous nous reverrons lundi prochain. Je vous remercie encore. Merci. Ce n'est pas la plus cool des choses. Ouais. Merci beaucoup. Ça a été merveilleux.